de l'Association des éditeurs du Cameroun. Nous revenons à notre sujet central d'aujourd'hui. Nous avons présenté en début d'émission le révérend pasteur Joseph Toubi qui vient de publier un essai intitulé « Le fondement du réveil ». Cet essai coûte 2000 francs CFA. Et juste après le grand titre, on voit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, 1 Corinthiens 3, 11. » En effet, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ utilisait beaucoup d'images de notre monde naturel pour nous aider à comprendre les choses spirituelles. C'est pour ça que l'Éternel nous parlait de la banque, il nous parlait des talents, il nous parlait de la pêche au poisson, et il prenait beaucoup d'exemples dans notre monde naturel pour nous faire comprendre que le chrétien né de nouveau, né d'eau et d'esprit, pour être réellement un homme spirituel, une femme spirituelle, se devrait de bien considérer et de bien comprendre le monde naturel au sein duquel nous vivons. Que faisons-nous lorsque nous bâtissons un immeuble? Nous prenons le temps de sonder le terrain et d'y poser une fondation solide. Alors, nous qui travaillons avec notre Dieu, nous chrétiens qui languissons après le changement du Cameroun, le changement de l'Afrique, le changement du monde, qu'avons-nous fait? Avons-nous considéré attentivement les fondements du moteur du monde? Et vous savez, nous pouvons être distraits, mais Dieu ne change pas ses lois. L'Église est l'unique moteur du monde. C'est pour ça que l'Éternel dit, et si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie et prie, alors je guérirai son pays. C'est l'Église qui est le moteur du monde. Alors, est-ce que ce moteur est assis sur le bon fondement? Nous voulons bâtir, nous voulons le réveil, mais les fondations sont-elles bonnes? C'est à ce niveau que nous nous situons. Mais avant d'aborder le fond du sujet, il faudrait même peut-être se poser la question, y aura-t-il un réveil mondial avant l'enlèvement? Vous savez, je vais me permettre de rappeler quelque chose qui m'attriste régulièrement. Et il y a en réalité deux catégories de chrétiens et même d'hommes de Dieu. Et il y a ceux qui aiment réellement l'Éternel, qui assistent au conseil secret de Dieu. C'est comme cela, parce que Dieu a un conseil secret, la Bible nous l'enseigne suffisamment. Et puis, bon, il y a ceux qui, vous savez, ont reçu la vie éternelle un peu comme sauvés à travers le feu et qui n'assistent pas à ce conseil secret. Et c'est pour ça que l'évidence d'un réveil mondial n'est pas clairement établie aujourd'hui au sein de l'Église. Alors, y aura-t-il un réveil mondial avant l'enlèvement? Si le réveil n'est pas établi au sein de l'Église, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui empêchent la réalisation du réveil. En effet, il y a un certain nombre d'obstacles qui, au niveau même de la pensée, vous savez, le champ de combat se situe dans la pensée. Il y a un certain nombre d'obstacles qui, au niveau même de la pensée, conditionnent les individus et leur empêchent même de comprendre comme évidence l'avènement de ce réveil mondial. Et c'est pour ça que j'invite les auditeurs à regarder un peu dans la Bible, au livre de Nombres. Vous essayez également, après diagnostic, de mettre en équation quelques-unes raisons qui empêcheraient la réalisation effective de ce réveil. Je vois coup mortel à l'organisation de l'Église. Coup mortel à l'organisation de l'Église. Et vous présentez un schéma très intéressant, la structure pyramidale sur le modèle de Darius. Pour oui. Dire que, en fait, c'est comme ça que sont organisées nos églises. Tout à fait. Vous remarquerez que le coup le plus mortel, la première frappe de l'ennemi à l'église, réside dans l'organisation même de l'église. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, Dieu a été très précis sur la façon dont l'église, au jour d'aujourd'hui, et dont l'église, en permanence dans cette dispensation de l'église, devrait être organisée. Mais lorsque vous regardez l'Église, vous vous rendez compte que vous avez l'assemblée locale qui dépend du groupement du quartier, lequel groupement du quartier est rattaché par exemple à un pasteur qui commande la ville, lequel pasteur est rattaché à un pasteur qui commande le district, Bientôt, il est rattaché à un pasteur qui commande la province. Et lui aussi est rattaché à un autre pasteur national. Et dans quelques dénominations, cela va plus loin. Le sommet de la pyramide va un peu plus loin. C'est que même le pasteur national qui trône au-dessus, je dirais, de cette tour de Babel, si vous me permettez l'expression, dépend à lui aussi d'un pasteur qui est au-delà des océans, quelque part en Europe, quelque part en Amérique. Donc, le peuple de Dieu se trouve comme ça pris dans une organisation calquée sur les organismes du monde. Et sur le plan spirituel, cela a des conséquences dramatiques dans la qualité même de la chrétienté. Cela voudrait-il signifier que, en fait, nous évoluons encore dans le cadre de nos différentes églises, dans le cadre de nos différentes communautés, dans la logique de l'évangile colonial? Vous savez, il y a un principe de Dieu qui dit que il faut apprendre à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et c'est ce qui s'est passé en ce qui concerne l'Église en Afrique noire. Vous savez, Sem a reçu des révélations de Dieu, il les a transmises à Japhet, mais Japhet ne les a pas transmises à Cham de la même façon. Il les a transmises, si vous me permettez l'expression, avec du sang. Je veux dire, c'est avec la colonisation que nous avons reçu l'évangile du salut en Jésus-Christ ici chez nous en Afrique. Et ayant donc reçu cet évangile du salut en Jésus-Christ dans un contexte colonial où les hommes de Dieu occidentaux, nous n'accusons pas nos frères qui ont sué sang et eau pour que nous ayons nous aussi la parole de Dieu, ne se démarquaient pas forcément de façon claire et tranchée du système colonial en place. Et lorsque vous observez l'Église aujourd'hui, l'Église est organisée exactement comme un État religieux. Vous prenez une assemblée locale, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qui aurait dû être autonome comme l'église d'Antioche, où les prophètes auraient dû donner les oracles de Dieu, où les prophètes auraient dû se lever sur révélation de Dieu, aller parcourir la terre. Eh bien, vous allez vous rendre compte que l'ennemi a réussi à enfermer cette assemblée locale dans un district, par exemple. Mais comme si ça ne suffit pas, le district, lui, il va être enfermé au sein, par exemple, d'un département. Et le dirigeant de l'assemblée locale, lorsque vous observez bien nos dénominations, n'est plus qu'une sorte, permettez-moi l'expression, de fonctionnaire qui ne prend plus le risque de suivre les révélations de Dieu. Alors là, peut-on affirmer, à juste titre, que la structure pyramidale de nos différentes assemblées locales fait d'elle, en fait, des usines de fabrication de gourous? Ce sont des véritables usines de gros. Je vais vous prendre un exemple très parlant. Vous prenez une assemblée pyramidale, une dénomination organisée sur le modèle pyramidal. Vous avez le pasteur mondial qui commande le pasteur du Cameroun, qui commande les pasteurs des provinces, qui commandent les pasteurs des districts, qui enfin commandent le pasteur de votre assemblée. Je vais vous donner deux conséquences. Vous êtes chrétien dans une telle assemblée. Vous recevez un appel de Dieu parce que Dieu veut faire de vous un apôtre. Vous allez parler au pasteur de l'assemblée, mais je vous dis, et ça ne rate pas, le pasteur de l'assemblée, dans 100% des cas, n'a aucun pouvoir pour vous dire, frère, je prie, je t'impose les mains, je te laisse aller, va faire l'œuvre de Dieu. Il va s'en référer à un petit conclave commandé par le pasteur de district. Mais comme très souvent le pasteur de district n'a pas le temps de prier suffisamment, il va s'en référer au pasteur provincial. Et le pasteur provincial, peut-être, pour se couvrir, va plutôt ouvrir le règlement de la dénomination et dire, d'après l'article numéro 14 du chapitre 4, nous pouvons laisser le frère partir ou nous ne pouvons pas le laisser partir. Et vous voyez donc comment sournoisement Satan réussit à mettre de côté le déploiement du Saint-Esprit que vous constatez dans l'église d'Antioche. L'église d'Antioche, ouvrons nos Bibles, et dépend-elle d'une autre église? Et cette indépendance de l'assemblée locale d'Antioche fait que lorsque les prophètes reçoivent la révélation de l'apôtre Paul, ils prophétisent, Et comme l'apôtre Paul lui-même a reçu cette révélation, on leur impose les mains, on prie pour eux, ils se lèvent et ils partent. Le réveil démarre. Antioche n'a de compte à rendre à personne. Mais regardons nos assemblées d'aujourd'hui. L'assemblée locale a des comptes à rendre au pasteur du district, qui lui va rendre des comptes au pasteur provincial, qui va rendre des comptes au pasteur national, et bientôt le pasteur national va en référer à un pasteur mondial. Là, vous avez éteint le réveil. Ça, c'était le premier exemple. Je vous donne un second exemple, si vous permettez. Il y a un principe spirituel de Dieu qui dit que vous ne donnez aux autres que ce que vous avez. Imaginez le cas effrayant, et en pratique, il se produit très souvent, beaucoup plus qu'on ne le pense, que Satan ait réussi à vous flanquer un serviteur des ténèbres au sommet, loin au sommet de la pyramide. Et je vous garantis que rien que parce qu'au sommet de la pyramide, vous avez un pasteur qui est serviteur des ténèbres, les 100 000, les 500 000 chrétiens de toute la dénomination vont être spirituellement inondés depuis le sommet de nourriture spirituelle morte. Voilà comment la pyramide permet à Satan de bloquer le réveil avec très peu d'efforts, juste en contrôlant les sommets des pyramides. Et nous voyons le modèle suivi là, en fait. Dans la Bible, le pasteur parle de l'exemple de Darius, le maître. Darius le maître qui avait celui des chefs de satrapes. Tout à fait. Parmi lesquels un serviteur de Dieu. Tout à fait. Nous ouvrons nos Bibles, nous constatons très bien la structure pyramidale du diable. Et par cette structure pyramidale, Satan contrôlait toute la population babylonienne. Et je veux dire, c'était presque le monde à l'époque. Parce que Babylone commandait une très grande partie de la terre. Au-dessus de la pyramide, vous avez Satan, vous avez sous lui le chef du royaume de Perse, sous lui vous avez les rois de Perse qui commandent Darius le Mède qui est païen, sous Darius le Mède vous avez trois chefs de satrapes, et sous les trois chefs de satrapes vous avez 120 satrapes, et sous les 120 satrapes la population babylonienne. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'un véritable serviteur de Dieu se trouve prisonnier au sein de la pyramide. Ce serviteur de Dieu, c'est Daniel. Et quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences? Parce que Daniel se trouve à l'intérieur de cette pyramide satanique, le diable a suffisamment d'autorité pour bloquer pendant 21 jours les prières qu'il fait pour le réveil. Parce que le diable se tient sur des liens d'autorité que vous n'allez pas balayer comme cela du revers de la main juste parce que vous êtes serviteur de Dieu ou que vous avez cru en Jésus. Non, il y a des lois spirituelles. Et Satan, qui les connaît parfois mieux que les chrétiens, sait comment les exploiter. Au-dessus de Darius, il y a les rois de Perse. Parce que Darius, lui, c'est un serviteur du diable. Même si Daniel, qui est sous Darius, est un serviteur de Dieu. Et nous devons bien comprendre ces choses. Et en prenant donc possession du sommet de la pyramide, avec un minimum d'efforts, les millions de chrétiens qui sont en bas reçoivent subitement de la nourriture spirituelle morte. C'est un peu, pour aller de l'autre côté du miroir, comme si tous les buveurs du Cameroun obéissaient à un seul patron et subitement, vous réussissez à convaincre le patron de donner sa vie au Seigneur Jésus. Subitement, tous les buveurs seraient désorientés et auraient tendance à suivre leur patron qui vient de donner sa vie à Jésus. Ce serait une catastrophe pour le diable. Et il le sait tellement bien qu'il n'adoptera jamais cette structure pyramidale pour faire boire toute une nation comme le Cameroun. Vous comprenez la conséquence de la structure pyramidale. Mais la structure pyramidale a un autre défaut mortel pour l'Église. Comme je vous ai dit, j'ai avec beaucoup de tristesse vu des ministres de Dieu enfermés au sein des pyramides parce qu'il ne leur est pas possible d'en sortir. C'est très souvent le cas des pasteurs. Vous voyez les pasteurs, vous avez des spectacles absolument douloureux lorsqu'en fin d'année, vous voyez un pasteur qui fait des démarches pour éviter qu'on ne l'affecte à Tchang, parce qu'il veut rester dans Yaoundé. Vous vous rendez compte, où est le Saint-Esprit là-dedans? Qui adresse des lettres au directeur national de sa dénomination, parce qu'il ne voudrait surtout pas qu'on l'affecte à Tchang, ou qu'il ne voudrait pas qu'on l'affecte à Kousséri. Où est le mouvement du Saint-Esprit? Vous voyez comment la pyramide bloque le mouvement du réveil. Donc vous prenez le ministère pastoral aujourd'hui est complètement phagocyté par les pyramides, complètement tué par les pyramides. Au jour d'aujourd'hui, les pasteurs ne savent même plus qu'ils doivent travailler pour le corps du Christ, qu'ils doivent être des ministres itinérants, qu'ils doivent recevoir ministère pour une région du monde tout entière. Ils sont là, bloqués dans les assemblées. Ils attendent parfois même des petites nominations. C'est ça la pyramide. C'est donc à dire qu'en fait, c'est nous qui sommes au sein de ces églises-là qui organisons nous-mêmes la logique de la pyramide de Darius. C'est nous-mêmes qui avons organisé la logique de la pyramide de Darius pour une raison très simple. Pour une raison très simple. Prenez la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Les disciples qui n'avaient pas encore appris à marcher par le Saint-Esprit étaient avec Jésus. Ils étaient avec Jésus, le vrai temple. Mais qu'est-ce qu'ils disent à Jésus, les disciples? Ils disent à Jésus, « Seigneur, regarde ce beau temple construit par les hommes. Quelle belle construction !» Donc, les disciples qui n'ont pas encore appris à marcher par le Saint-Esprit sont fascinés par le modèle séculier, par la construction charnel de la main de l'homme. C'est ce qui nous est arrivé à nous autres chrétiens aujourd'hui. Nous sommes fascinés par le modèle d'organisation pyramidale des organisations du monde, des états séculiers, et nous avons transporté ce modèle. Nous avons transporté ce modèle dans l'église. Et nous avons nous aussi copié une coutume de vanité, et nous-mêmes nous tendons à devenir vanité. Nous sommes allés nous enfermer nous aussi dans la pyramide. Mais qu'avait dit Jésus aux disciples? Jésus avait dit aux disciples, regardez bien, lorsque viendront les temps de la fin, de ce temple charnel que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre. Et je vous dis aujourd'hui, c'est cette parole de Dieu qui a traversé les temps et qui est en train de frapper nos pyramides pour les détruire. Alors, pasteur, votre ouvrage ici est en français. Oui. Est-il déjà disponible en anglais aussi? Il n'est pas encore disponible en anglais. Il le sera bientôt, par la grâce de Dieu, d'ici 2-3 mois. Il y aura une version anglaise sur le marché. Une version anglaise sur le marché. Et c'est vrai que nous sommes encore au niveau du fondement du réveil en français. Nous restons au cours de ces quelques minutes que nous avons encore devant nous sur cette structure pyramidale de l'Église à la Darius. Nous voyons la présence de Daniel au sein de la pyramide. Mais Daniel a pu fracasser la pyramide par son action spirituelle. En effet, Daniel a prié. Le diable a résisté 21 jours. Et pour finir, Daniel a vaincu. Ça veut dire que nous aussi, au sein de ces pyramides, nous sommes capables de pouvoir fracasser la pyramide et d'en sortir. Heureusement. Tout en restant dans une organisation normale. Heureusement que nous pouvons fracasser les pyramides, mais nous n'allons pas rester dans les organisations pyramidales. La parole de Dieu nous rassure, et vous savez, toute parole sortie de la bouche de Dieu ne rentre pas sans accomplir son effet, qu'il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple bâti de main d'homme. Ces pyramides vont disparaître, pas du fait d'un homme, mais du fait de cette verge, de cette parole de Dieu qui frappe sans cesse. Vous savez, ça fait pitié lorsque vous visitez ces vastes dénominations. J'ai grandi dans une assemblée où vous entriez le dimanche, vous étiez 2000. Vous comprenez? Il y a tellement de calomnies, tellement de confusion, tellement de désordre dans ces assemblées. Mais pasteur, vous pouvez entrer au temple dimanche à 2000 et être aussi au cours de la semaine dans une assemblée de maison, pourquoi pas? Tout à fait, bien sûr. Vous pouvez entrer. Mais vous savez, il reste un principe spirituel important. C'est le principe d'indépendance et d'autonomie de l'assemblée locale. C'est très important pour Dieu, pour le réveil. C'est très important. Vous savez, si nous sommes là, dans une assemblée ici à 30, et que subitement, nous recevons l'appel pour un frère, je reviens à cet appel à Antioche pour l'apôtre Paul, Nous n'allons pas demander des comptes à un super pasteur situé quelque part à 2000 kilomètres. Nous allons prier ici, nous allons lui imposer les mains, nous allons pourvoir de l'argent parce qu'il faut de l'argent pour servir Dieu dans la limite de nos possibilités. Et très librement, le frère va s'en aller servir l'Éternel. C'est concrètement de ça que Dieu a besoin. Mais dans nos pyramides, ce schéma du réveil ne peut pas fonctionner. Or, ce schéma, c'est celui de Dieu. Voilà, chers auditeurs, merci infiniment d'avoir été patient et d'avoir accepté de nous suivre de bout en bout. C'était l'émission Africa Vision et je recevais le révérend pasteur Joseph Toubi, auteur de l'essai « Le fondement du réveil ». Au cours de nos prochaines éditions, nous aurons à revenir sur ce merveilleux opuscule pour l'ausculter un peu plus en profondeur. Mais si vous avez besoin de quelques informations que ce soit, vous pourrez nous appeler ici au 221-20-42. L'ouvrage est disponible à Radio Bonne Nouvelle et ne coûte que 2000 francs CFA seulement. Vous pouvez également appeler au 756-33-33. 756-33-33 pour avoir toutes les informations nécessaires sur l'émission Africa Vision. Gérard Marie Messina au micro de présentation, à la console technique, Benjamin Serge Zaché Hall. Toutes les tendances sont à donner à l'Afrique la responsabilité de lancer le réveil mondial. Et là, on se pose bien la question de savoir si l'Afrique dispose de toutes les structures nécessaires pour un réveil efficace. Si l'on s'en tient au fait que un réveil véritable au niveau mondial à partir de l'Afrique impose obligatoirement une économie forte et bien assise et une politique également bien orchestrée. C'est la raison pour laquelle ce soir, dans le cadre de l'émission Éclairage, nous allons nous poser la question de savoir s'il est possible de compter sur l'économie et la politique africaine pour le réveil mondial. Cela, au regard de l'histoire des hommes, au regard de l'histoire de la parole de Dieu. Gérard Marie Messina, au micro de présentation de l'émission Éclairage, Serge Benjamin sur la console technique. Dans ce studio, nous avons le plaisir de recevoir, une fois de plus, le pasteur Joseph Toubi, auteur de l'essai « Le fondement du réveil » et le pasteur Alain-Joseph Assamba, auteur de l'essai « La prophétie biblique sur l'Afrique ». Bonsoir, pasteur Joseph Toubi. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, Radio Bonne Nouvelle. Bonsoir, pasteur Alain-Joseph Assamba. Bonsoir, Gérard, et bonsoir. C'est vrai, l'approche classique, même concernant le réveil, consiste généralement à interroger le fonctionnement de l'Église, les moyens spirituels dont on dispose. Nous ne rejetons pas cela, mais nous allons davantage ce soir examiner le fonctionnement de l'économie africaine. Du premier texte de cette œuvre. Nous avons une fois de plus ce soir le plaisir d'accueillir dans ce studio le révérend pasteur Joseph Toubi, auteur du livre « Le fondement du réveil ». La semaine dernière déjà, nous avons initié une lecture conjointe critique dans ce studio de ce merveilleux opuscule. Une fois de plus, ce soir, nous y revenons. Bonsoir, révérend pasteur. Bonsoir, messieurs. La semaine dernière, nous avons intensément parlé de l'organisation de l'Église, partant d'un constat, le coup mortel porté à l'Église par Satan. Pouvez-vous revenir en quelques mots sur l'organisation de l'Église telle qu'elle se présente pour que les auditeurs soient bien fixés? Tout à fait. Nous allons d'abord partir de la Bible. Nous partons de notre fondation qui est la Bible. Lorsque nous ouvrons notre Bible, de façon inlassable, de façon répétitive. L'Éternel nous donne un modèle précis d'organisation de l'Église du Nouveau Testament. C'est le modèle d'assemblée locale. C'est le modèle d'assemblée locale telle que Éphèse, Thessalonique. C'est le modèle d'assemblée locale entièrement autonome. Et chaque assemblée étant dirigée par des chrétiens, des saints, appelés anciens, c'est-à-dire évêques et diacres. Or, lorsque nous regardons toutes nos dénominations, qu'elles soient catholiques, baptistes, pentecôtistes, protestantes, et que sais-je d'autre, vous constaterez qu'aucune dénomination n'a respecté notre modèle biblique. Et cela a un coût spirituel énorme. Donc voilà la problématique. Et vous présentiez cela d'une façon singulière. Vous parliez la semaine dernière de la pyramide. Comment expliquez-vous cette pyramide? Comment en expliquez-vous la conception? En effet, la conception de la pyramide, c'est une question de vision à la base. C'est une question de vision. Voyez-vous, lorsque nous regardons le monde séculier dans lequel nous vivons, nous constatons que les entreprises au sein desquelles bon nombre d'entre les chrétiens travaillent sont organisées de façon pyramidale. Nous constatons que les États sont organisés de façon pyramidale. Et le principe de la pyramide est simple, c'est faire couler du sommet une source qui arrose la base, quelle que soit la dimension de la base. Le principe de la pyramide, c'est que à partir d'un seul sommet, vous pouvez arroser d'une même nourriture, d'un même fleuve, si vous voulez, des millions et même des milliards de personnes. C'est ça le principe de la pyramide. Vous avez une base très vaste. Vous avez des échelons intermédiaires et tout au sommet, vous avez un individu. Et la problématique consiste à savoir exactement, sur le plan spirituel, quel est le type de fleuve spirituel que cet individu d'abord un reçoit et de deux qu'il transmet à la base qui se trouve tout au fond de la pyramide. Ça c'est très très important et là, vous parlez de vision, d'une vision qu'il faut saisir, qu'il faut même transmettre. Tout à fait. Cette vision porte-t-elle essentiellement la pyramide telle qu'elle existe pour dire la pyramide telle qu'elle existe pour aller dans ce modèle que vous évoquiez tout à l'heure? Tout à fait. Vous allez me permettre d'exposer au préalable quelque chose d'important. Lorsque nous ouvrons nos Bibles et que nous regardons dans le livre de Genèse, vous savez, Genèse, c'est le fondement des choses. Même les mondains savent que quand un homme ne se comprend plus, il retourne à ses origines. Retournons à la Genèse, au chapitre 34, du verset 1 au verset 29. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez d'un côté, Jacob et ses 12 fils et leurs sœurs, bien entendu, face à Sichem, fils de Hamor, et à toute leur ville. Si vous comparez numériquement, vous vous rendrez compte que Jacob et ses enfants sont battus d'avance. Parce que effectivement, il y a le fait que Sichem, fils d'Hamor, a séduit et violé Dina, c'est une abomination en Israël. Et cela met en opposition Jacob et ses 12 fils d'un côté et toute une ville de l'autre côté. Mais qui va gagner la guerre? Qui va gagner la guerre? En réalité, ici Jacob est tout tremblant et l'on sent quelque part qu'il souhaiterait la paix. Mais les fils de Jacob comprennent un principe spirituel fondamental. C'est que lorsque vous réussissez à injecter votre vision à l'ennemi, automatiquement vous battez l'ennemi, vous gagnez la guerre. Et les fils de Jacob, avec ruse, comme nous le dit la parole de Dieu malheureusement, vont imposer une coutume, la coutume de la circoncision à Hamor, à Sichem et à toute leur ville, ayant donc fait à toute une ville, mille fois cette vision, à toute une ville, mille fois, un million de fois plus nombreux qu'eux. Ils vont réussir donc à détruire complètement la ville et à sortir de cette ville avec un abondant butin, uniquement pour avoir transmis leur vision. Quelle est donc la vision que le diable a transmise aux assemblées pour nous bloquer, pour s'opposer au réveil? C'est justement cette vision pyramidale. C'est exactement cette vision pyramidale. Le diable nous a dit, écoutez, ne faites pas attention à ce que vous voyez dans la Bible. Ne faites pas attention aux églises locales autonomes. Ne faites pas attention au fait que ce sont les évêques et les diacres qui doivent diriger l'église locale autonome. Bâtissez des pyramides. Voyez bien les entreprises du monde, qu'elles soient nationales ou multinationales. Vous avez un grand PDG au-dessus. C'est un demi-dieu. Et c'est la vision, c'est le fleuve qu'a le PDG qui coule dans toute l'entreprise. Les États sont bâtis de la même façon. Vous avez un seul chef d'État au sommet. Si le fleuve qui coule du chef d'État est excellent, vous avez des millions d'êtres humains qui sont sous un fleuve excellent. Et évidemment, si c'est un fleuve diabolique, vous pouvez avoir 1 milliard d'êtres humains noyés dans un fleuve diabolique. Voilà la vision que Satan a vendue. Voilà la vision de la pyramide que Lucifer a vendue à toutes les assemblées. Qu'elles soient catholiques, protestantes, baptistes, pentecôtistes, c'est la même organisation pyramidale. Vous avez un individu en haut, il peut être le super pasteur national ou le pape, que sais-je d'autre, et c'est le fleuve qui est en cet individu qui coule en des centaines, en des millions de chrétiens. Parce que nous avons importé la vision pyramidale d'entre les mains de Lucifer. Et voilà comment nous perdons jusqu'à présent la guerre du réveil. Vous écoutez Radio Bonne Nouvelle, la FM 97.7, et nous accueillons ce soir le révérend pasteur Joseph Toubi, auteur de l'essai « Le fondement du réveil ». Le fondement du réveil. Révérend pasteur, oui. Votre approche fait suffisamment peur. C'est vrai, les arguments tiennent peut-être, mais on a l'impression que vous exagérez un peu. Apparemment, tous ceux qui sont au sommet seraient pour vous des serviteurs des ténèbres, dans la mesure où il est nécessaire de déconstruire la pyramide pour instaurer un système d'indépendance absolue. Est-ce que ce n'est pas cela qui nous pousse aussi à vivre cette réalité aujourd'hui, que un individu qui a commis des abominations dans une église se retire au quartier et puis il décide de devenir pasteur et puis... Tout à fait. Vous savez, on a effectivement raison d'avoir peur parce que les problèmes sont sérieux. Les problèmes sont extrêmement sérieux. Voici réellement ce qui se passe. Nous devons bien nous comprendre. Évidemment, au sommet de toutes les pyramides, vous n'avez pas de serviteurs des ténèbres. Ça, c'est clair, ça, c'est évident. Vous n'avez pas au sommet de chaque pyramide des serviteurs des ténèbres. Mais, vous savez, le Seigneur Jésus parlait de la banque, il parlait des talents, il parlait de beaucoup de choses naturelles pour nous aider à comprendre les choses spirituelles. Regardons comment fonctionne notre monde. L'Irak a perdu la guerre du Koweït. C'est vrai. C'est clair. Mais, si vous allez en Irak, vous verrez des généraux, des colonels, des soldats irakiens qui sont parfaitement en bonne santé. Mais malgré le fait qu'il y ait des centaines et que sais-je des milliers de soldats irakiens qui ont même fait la guerre du Golfe et qui sont en parfaite bonne santé, le résultat réel, c'est que effectivement l'Irak a été bouté hors du Koweït et l'Irak a perdu la guerre. Et c'est ce qui nous arrive jusqu'à présent. Il y a des sommets de pyramides occupés par des vrais serviteurs de Dieu qui font de leur mieux pour nourrir le peuple de Dieu d'un fleuve spirituel saint, lequel fleuve est celui dans lequel Ézéchiel nageait. Mais je suis désolé, jusqu'à présent, nous perdons la guerre du réveil. Nous sommes à Kadesh Barnea. Nous avons le choix entre retourner au fondement de la parole de Dieu, faire des assemblées locales autonomes et regarder aussi qu'au sens du monde, c'est-à-dire copier l'organisation pyramidale des États, des organisations séculières. Voilà le choix qui s'oppose à nous. Et nous sommes à Kadesh Barnea. L'inconvénient, révérend pasteur Toubi, c'est que en prenant l'initiative de la multiplication des assemblées, des cellules indépendantes, le risque, c'est une sorte de babélisme, d'incommunication très curieuse qu'on ne comprend pas. Oui, vous savez, je comprends très bien votre approche. Nous autres chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes un peu fascinés. Je vais vous dire la fascination qui nous a frappés. Regardez un peu dans la parole de Dieu. Les disciples qui n'ont pas encore appris à marcher avec le Saint-Esprit. Ils sont avec Jésus, le vrai temple Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils disent au vrai temple? Ils disent au vrai temple qui est le Seigneur Jésus, « Seigneur, regarde ce beau temple. » Et le Seigneur Jésus qui se rend compte que, « Tiens, voilà mes disciples, ils m'aiment beaucoup, mais ils ne me connaissent pas encore. » Il leur répond, « Écoutez, dans les temps de la fin, un des signes des temps de la fin, c'est que de ce temple construit de main d'homme, il ne restera pas pierre sur pierre. » C'est cette parole de Dieu aujourd'hui qui frappe nos gigantesques pyramides. Ce qui se passe, pour en venir à votre question, c'est qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit qui est partout, partout à la fois, en tout temps et en tout lieu, conduit suffisamment déjà le chrétien individuel. Et c'est pour cela que le Seigneur nous assure que là où deux ou trois, vous savez, vous et votre famille, vous et votre frère en Christ avec qui vous priez depuis quelques années, vous êtes capable d'être puissamment utile dans les mains de Dieu. Vous êtes déjà une église qui peut être pleine de la puissance de Dieu. Mais ce qui nous a fascinés, c'est ce qui fascinait les disciples. Ils avaient le vrai temple à côté d'eux, mais ils étaient surtout fascinés par le temple de pierre, le temple charnel fait de main d'homme. Nous sommes fascinés par l'organisation de nos entreprises, nous sommes fascinés par l'organisation de nos communes, de nos états, et nous oublions notre modèle biblique. Donc, pour répondre à votre question, il n'y aura pas un manque de communication, il y aura plutôt un trop plein de communication dans un ensemble de petites assemblées locales et autonomes. Et tout homme de Dieu sérieux, je vous le garantis, peut vous dire qu'il est très facile de prier sérieusement pour 3 chrétiens, pour 4, 5, 10 chrétiens et les amener à maturité au bout de quelques années. Mais tout homme de Dieu sérieux avec Dieu vous dira qu'une assemblée de 2 000, 3 000 personnes, non, je ne peux pas. Cette option, révérend pasteur, n'exige-t-elle pas tout simplement une sorte de révolution de l'intérieur qui, loin de procéder à la déconstruction totale de la pyramide, donnerait assez d'entrain, assez de ferment à ceux qui sont dans cette pyramide-là pour, en fait, je vous comprends. La vraie nourriture. Je vous comprends tout à fait, mais voyez-vous, j'expliquais tout à l'heure que le peuple de Dieu dans cette nation, le Cameroun, parce que c'est une nation choisie pour le réveil, le peuple de Dieu dans cette nation, en réalité, n'a plus beaucoup de temps. Je vais vous dire pourquoi nous n'avons pas beaucoup de temps. Le Seigneur ressuscite au troisième jour. Vous allez me permettre de citer en 2 minutes un livre très bien connu ici, même à Radio Bonne Nouvelle, même bientôt, gloire à Dieu, par beaucoup de chrétiens, la prophétie biblique sur l'Afrique du prophète Alain Assamba. Nous sommes ici au troisième jour, c'est le jour de la résurrection, c'est le jour du réveil. Nous sommes au troisième millénaire, nous n'avons plus du temps. Nous sommes à Kadesh Barnea. Soit nous retournons à la parole de Dieu, nous nous organisons tel que c'est écrit dans notre Bible. Soit nous prenons tout notre temps dans nos pyramides, le temps de voir, le temps de regarder, de réfléchir un peu, de voir si on peut pas aménager plus ou moins l'église à l'organisation du monde. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que Dieu, lui, n'a pas du temps à perdre. La parole de Dieu doit s'accomplir. Nous sommes au troisième jour. Dieu va rejeter toute une génération. C'est ça la problématique. Alors, révérend pasteur Joseph Toubi, que faire alors, puisque manifestement, toutes les assemblées sont organisées ainsi? Faut-il sortir des assemblées tout simplement? Ou alors, il y a une démarche originale susceptible de donner à ceux qui se trouvent dans ces différentes pyramides de découvrir une expérience nouvelle avec Dieu? Oui, je vous remercie pour cette question. Ce que nous devons faire, c'est exactement ce que l'Israël naturel aurait dû faire il y a plusieurs milliers d'années à Kadesh Barnea, c'est se souvenir de la parole de Dieu. C'est retourner, c'est appliquer la parole de Dieu. Et que nous dit la parole de Dieu? Lorsque vous regardez par exemple dans le livre de Philippiens au chapitre 1 verset 1, la parole de Dieu, on ne peut plus clair. La parole de Dieu nous dit très bien que dans l'assemblée locale, vous avez un collège d'évêques, vous avez des diacres, ce sont eux qui dirigent. Et ensuite, cette assemblée locale est entièrement autonome. C'est à ça que nous devons revenir. Parce que c'est le retour à cette organisation qui va permettre un mouvement général de l'Esprit Saint. Vous comprenez? Vous ne lirez jamais dans votre Bible que l'église de Thessalonique l'église d'Éphèse, l'église de Sancré, toutes ces églises que nous voyons dans la parole de Dieu, vous ne verrez jamais qu'elles avaient pour dirigeant un quelconque pasteur de district qui lui dépendait d'un quelconque pasteur régional qui à son tour rendait compte au pasteur général situé, mettons, à Jérusalem. Non, ça n'existait pas. C'est pas ça notre Bible. C'est pas ça. Mais vous m'avez posé une question qui m'a beaucoup intéressé tout à l'heure. Vous m'avez dit, bon, écoutez, chacun retourne au quartier et se proclame pasteur. Et c'est très important, cette question. Pasteur. Pasteur, c'est Dieu qui vous fait pasteur. C'est un ministère don. C'est un appel de Dieu. Vous savez, nous avons tellement multiplié la comédie. Nous avons porté la comédie à un niveau où, copiant l'intronisation des chefs d'État et je ne sais quel autre délégué de communauté urbaine dans je ne sais quel pays, vous voyez des assemblées où, bon, ouais, subitement, sur je ne sais quel criton, vous met une toge, on vous impose la main, écoutez, vous êtes devenu pasteur. Non, pasteur, c'est un appel de Dieu. C'est un appel, c'est même une mise à part, c'est un ministère don. Comprenez? Vous voyez beaucoup d'évêques qui aujourd'hui jouent le rôle de pasteur. Ils sont installés dans leurs assemblées. Ce n'est pas une critique que je fais. Mais nous devons retourner à la parole de Dieu. Nous devons retourner à ce fondement. C'est Dieu qui vous informe qu'il vous a appelé et vous a donné l'équipement pastoral. Ce n'est pas un individu. Et cela se manifeste. Vous écoutez Radio Bonne Nouvelle et c'est bel et bien l'émission Africa Vision qui reçoit ce soir le révérend pasteur Joseph Toubi, auteur de l'essai « Le fondement du réveil ». C'est justement ceci, lorsqu'on essaie de regarder un peu, on voit dans la Bible que Pierre, à Pierre et à son équipe, disons aux apôtres de l'église primitive, les gens rendaient compte. On voit Saphira, Ananias qui meurt pour n'avoir pas fidèlement rendu compte. Alors, apparemment, c'est comme si vous remettiez en cause le principe d'autorité. Je vous remercie pour cette question. Déjà, soyons clairs d'entrée de jeu, l'autorité, c'est un principe de Dieu. L'autorité, c'est un principe de Dieu. L'homme doit toujours être placé sous une autorité. Mais alors, laquelle? Ça, c'est qu'il faut que se pose la question. Quelle autorité? Quelle autorité? Lorsque la parole de Dieu nous montre des assemblées locales autonomes. Mais elle précise très bien que là-dessus, il y a l'autorité d'un collège, un collège d'évêques. Pourquoi un collège? Nous aurons le temps de revenir là-dessus. Il y a là-dessus un collège d'évêques, il y a des diacres. Ce n'est pas une assemblée locale sans autorité. Mais la fascination vient du fait que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons abandonné ce modèle d'assemblée locale autonome qui spirituellement favorise énormément le mouvement général de l'Esprit Saint pour adopter une pyramide. Mais je vais vous expliquer pourquoi Satan nous a-t-il vendu cette vision pyramidale. Nous avons vu qu'il suffit de vendre sa vision à un ennemi pour le vaincre. C'est parce que, comme le dit la parole de Dieu dans l'Apocalypse, le diable a très peu de temps. La pyramide facilite le travail au diable. Il lui suffit d'un serviteur des ténèbres au sommet d'une pyramide. Et le fleuve spirituel qui coule du sommet va inonder des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de chrétiens à la fois. Ça permet à Satan de travailler rapidement, de bloquer efficacement le réveil. Lorsque l'église va bien, le pays va bien. C'est pour cela que finalement, si mon peuple, chronique au chapitre 7, verset 14, que finalement, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, vous connaissez la suite, alors je guérirai son pays, etc. Donc, lorsque Dieu regarde un peuple, lorsque Dieu regarde une nation, ce qui compte, c'est le peuple sur lequel est invoqué le nom de l'Éternel. Alors, quel est l'état spirituel de ce peuple? Quelle est la qualité spirituelle de ce peuple? Lorsque la réponse à cette question est favorable, alors le reste suit. Mais lorsqu'elle est défavorable, cela signifie qu'il faut revenir faire un certain nombre de réglages. pour que le réveil spirituel démarre et que suivent le réveil économique, le réveil sociopolitique et toutes sortes d'autres réveils. Le révérend pasteur Joseph Toubi, dans son intervention tout à l'heure, a lâché un mot qui m'intéresse beaucoup, prospérer. Il parle de la prospérité. Et il y a, nous le savons, un discours qui se tient sur la prospérité. Mais le pasteur, l'évangéliste international, Évariste Joël Alou de la Côte d'Ivoire, établit une nette différence entre l'évangile de la prospérité qui s'inscrit en droite ligne de la logique du pragmatisme américain qui vise le matérialisme absolu et la prospérité de l'évangile qui conduit à la guérison. C'est cette nuance-là également que vous voulez établir comme condition pour aboutir à ce réveil. Je m'excuse, mais je ne suivrai pas cette voie-là. Je n'établis pas de différence. J'établis des priorités. La priorité pour Dieu, c'est que lorsque prospère notre âme, le reste de la prospérité suit, la prospérité économique suit, la prospérité matérielle suit. Les autres catégories de réveil ou de prospérité sont des conséquences. Ça veut dire qu'en fait, vous partagez également son point de vue, c'est-à-dire il parle de la prospérité de l'évangile qui aboutit à la prospérité de l'âme. Tout à fait, la prospérité de l'évangile qui est celle de l'âme et qui a des conséquences. Parce que nous ne pouvons pas isoler complètement l'évangile d'un monde matériel. L'évangile a des conséquences directes. Donc, lorsque la parole de Dieu transforme les cœurs dans une nation, les conséquences économiques, les conséquences sociopolitiques sont immédiates. Elles sont immédiates. Mais le danger, c'est d'oublier l'essentiel qui est la prospérité spirituelle. Et je souscris entièrement à ce que disait le prophète. Pour se concentrer sur des éléments finalement matériels, fuyants, qui ne constitue pas l'essentiel. Ça, c'est vrai. Et prophète Alain-Joseph Assamba, je reviens sur ce constat de départ. Pourquoi vivre donc cette espèce de morosité, cette espèce d'apathie, alors qu'en fait, statistiquement parlant, le pays est à 65% de chrétiens? Oui, je voudrais répondre à cette question en faisant une parenthèse. La parenthèse, c'est que, en ce qui concerne le réveil spirituel de l'Église en Afrique, Dieu a dit d'avance que les Africains connaîtront l'Éternel, il se fera connaître à eux. Et puis, Dieu dit, je proclame l'Égypte parmi ceux qui me connaissent. Il faut déjà tenir compte que en ce qui concerne le réveil, c'est pas nous qui avons le fardeau du réveil en Afrique. Le réveil en Afrique est une prophétie biblique qui est amenée à être accomplie parce que Dieu l'a dit. La Bible dit que Dieu dit dans sa parole que vos voix ne sont pas mes voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Cela signifie qu'il dit comme la pluie ne retourne pas à moi sans avoir accompli mes desseins. Il parle ainsi de sa parole qui ne retourne pas à lui. Vous comprenez ça? Il est donc déjà une chose, c'est la responsabilité de Dieu et non notre responsabilité d'apporter le réveil. Cela signifie Dieu a prophétisé, Dieu a dit une chose. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu, la Bible dit par rapport à l'élection que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait le choix. En sorte que Dieu ayant prophétisé sur le réveil en Afrique, il accomplirait cette parole, il choisirait des vases. Voyez, Paul n'a pas cherché forcément à devenir ce qu'il était. Il l'est devenu un jour parce que le Seigneur est arrivé et le Seigneur l'a surpris et il s'est retrouvé dans une affaire à laquelle il n'était pas forcément concerné, quelque chose qu'il combattait même auparavant. Voilà, je voudrais poser une question. Et si les Africains tombaient dans la rébellion et ils se rebellaient devant la parole de Dieu, est-ce que cette prophétie s'accomplirait? Oui. À partir du moment où nous sommes, vous et moi, assis pour bâtir, par exemple, une œuvre comme celle de la radio Bonne Nouvelle, à partir du moment où on voit des gens courir avec des tracts, à partir du moment où on voit des gens avec des Bibles partout, on voit qu'il y a une volonté, une disposition déjà à la chose. Peut-être que, en ce moment, les gens ont besoin simplement d'une meilleure orientation. Mais nous voyons déjà des gens, le monde, le peuple. C'est comme si Dieu a mis un feu en En Afrique, beaucoup plus même qu'en Europe, parce que ceux qui ont fait l'expérience de l'Europe sont en train de se rendre compte qu'il y a une sorte d'endormi, c'est pas moi, de sommeil, oui, en Europe, alors qu'en Afrique, ils sont en train de voir plutôt les gens plutôt bouillants. Vous comprenez? Et lorsque j'ai parlé quelque part dans le livre de la prophétie, ou lorsque j'ai parlé de la septième église, à qui Dieu reproche d'être une église tiède. Mais il y a, Dieu parle dans le livre de Genèse lorsqu'il dit le fleuve qui coulera dans le pays de Kush, d'Éthiopie, le front brûlé. Ce fleuve-là s'appelle Guion, c'est-à-dire qui est bouillant. Là, c'est dit, Dieu a annoncé d'avance un fleuve qui va sortir de l'Afrique qui sera un fleuve bouillant. Et je crois en ce moment que il est des choses qui dessinent d'avance une chose qui va s'accomplir. Oui, pasteur Alain-Joseph Assamba, oui. La plupart des Noirs, de façon générale, pour ne pas parler des Africains tout simplement, oui, ont la ferme conviction que le royaume de Dieu appartient aux Blancs, ainsi de suite. Oui. Mais dans votre livre, tout en parlant de ce réveil-là et de la responsabilité qui incombe au peuple africain de gérer efficacement l'évangile, vous parlez de la reine du Midi, vous parlez également de l'image de Simon de Cyrène. Quelle relation avec l'Afrique d'aujourd'hui dans laquelle nous vivons? La relation est prophétique. Cela signifie, par exemple, nous avons parlé de Simon de Cyrène, c'est-à-dire qui porte la croix de Jésus, et nous avons parlé, par exemple, de Golgotha. Vous voyez, lorsque vous parlez, vous voyez Golgotha, là où la croix a été implantée, qui est le symbole de toute la souffrance de Jésus pour la justice, pour le salut de l'humanité. Et lorsque vous voyez l'Afrique, l'Afrique a la même forme que Golgotha, c'est-à-dire le crâne, le mont du crâne. Vous voyez déjà, je voudrais déjà situer même la chose actuelle. Lorsque vous voyez, on appelait cet endroit parce que ça avait une forme de crâne, là où on crucifiait les gens, et on a appelé cela le mont du crâne. Vous comprenez? Et regardez la forme de l'Afrique, la forme du continent africain. C'est la forme d'un crâne humain. Donc, même géographiquement, ça dit que de façon géographique aujourd'hui, on peut voir la similitude entre le dessin de Golgotha et le dessin de l'Afrique aujourd'hui. Pour déjà assimiler une image, je voudrais parler de seulement sur ce domaine géographique où nous tous, nous pouvons ouvrir les yeux et regarder pour comprendre que c'est comme si Dieu a taillé l'Afrique pour être le Golgotha et pour être justement l'image de ce Simon de Cyrène qui porte la croix derrière Jésus. Ça, c'est une image, si vous voulez... Oui, révérend Joseph Toubi, oui, dans votre essai, vous aussi, vous abordez le problème d'une autre façon, tout en reconnaissant en fait la responsabilité qui incombe à l'Afrique de gérer la véhiculation de l'évangile de Dieu. Vous présentez tout de même un obstacle majeur à l'épanouissement de cet évangile-là, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde entier, à partir du modèle d'organisation mis sur pied en Afrique. L'organisation sur la base de la structure pyramidale qui enfermerait certainement les serviteurs de Dieu dans un système paralysant. Oui, tout à fait, mais vous allez me permettre quand même de rappeler quelque chose. C'est important. De fondamental. Nous devons comprendre que Dieu est un Dieu de génération. Notre Dieu, c'est le Dieu des générations. Vous comprenez? Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que, à chaque génération, Dieu confie un appel, une mission, une vision. Et cette génération doit soumettre le principe de liberté que Dieu a placé en l'homme. Cette génération doit soumettre ce principe de liberté à l'appel, à la volonté de Dieu, pour que s'accomplisse la parole sortie de la bouche de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle s'accomplit toujours. Mais n'oublions pas qu'elle saute des générations rebelles. Le cas le plus patent, c'est celui d'Israël, dont la marche traduit la vie du croyant au jour d'aujourd'hui. La génération qui bâtissait les pyramides en Égypte, elle sort de l'Égypte avec la parole de Dieu. Elle sort de l'Égypte avec la vision de Dieu. La prophétie est déjà sortie de la bouche de Dieu. Mais cette génération que nous enseigne la Bible, cette génération périt dans le désert. Elle fait demi-tour à Kadesh Barnéa. Pourquoi? Pourquoi? Pour ne s'être pas tenue sur la parole de Dieu. Il est donc fort possible, et la Bible est claire dessus, que la parole de Dieu s'accomplisse parce qu'elle ne rentre pas à l'Éternel sans accomplir son effet. Mais il est fort possible que 1, 2, 3, 4 générations périssent sans voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Seule la génération qui se soumet à la parole de Dieu, qui se soumet à la révélation de Dieu, accomplit réellement et concrètement la révélation, la prophétie sortie de la bouche de Dieu. Et c'est là où j'en reviens à votre question. C'est quoi le réveil en réalité? Et le réveil, regardons la parole de Dieu. Regardons verset, nous n'allons pas rentrer dans le détail. Dans Actes 10, de 9 à 20, nous voyons l'Esprit Saint qui ordonne à Pierre de se rendre chez Corneille. Vous vous souvenez, la vision des animaux impurs. Dans Actes, au chapitre 8, verset 26, nous voyons un ange du Seigneur qui commande à Philippe d'aller sur le chemin de Jérusalem à Gaza pour y rencontrer l'eunuque éthiopien. Dans Actes 13, verset 14, nous voyons Barnabas et Saül qui sont envoyés par le Saint-Esprit. Ils descendent à Séleucie et s'embarquent pour l'île de Chypre. Dans Actes 16, de 6 à 10, Paul et ses compagnons, ils insistent pour aller en Asie. Le Saint-Esprit dit non, vous n'irez pas en Asie. Ils aperçoivent un Macédonien la nuit qui les supplie. Écoutez, venez nous secourir en Macédonie. C'est ça le réveil. C'est un mouvement généralisé du Saint-Esprit. Et vis-à-vis du raisonnement humain, c'est un mouvement entièrement imprévisible. Nous comprenons. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ces états religieux, ces pyramides que nous avons bâties? Moi, pasteur, si j'étais à la mission du septième jour, j'appelle ça comme cela, l'une de nos vastes dénominations, écoutez, le Saint-Esprit me dirait, révérend, il est temps d'aller à Ebolo, va, je dirais, attention, j'ai au-dessus de moi un pasteur de district qui doit consulter le pasteur régional, il faut que la note de service me permette enfin d'aller en Balmayo. Dans un tel système pyramidal, pas de mouvement possible du Saint-Esprit. Exact. Alors, s'il n'y a pas de mouvement possible du Saint-Esprit, il n'y a pas de réveil. C'est ça le problème. Mesdames, Messieurs, merci d'être à l'écoute des programmes de la FM 97.7 Radio Voix Nouvelle. Bienvenue à l'émission Africa Vision et nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus dans ce studio le pasteur Joseph Toubi, auteur de l'essai « Le fondement du réveil ». Aujourd'hui, nous allons parler de l'emprisonnement criminel des ministères dont l'emprisonnement criminel des ministères dont nous aurons avec le pasteur Joseph Toubi la possibilité de découvrir ce qu'on appelle ministère dont et de voir comment fonctionne l'emprisonnement de ces ministères dont. Salut pasteur. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir Gérard, bonsoir à toute l'équipe de Radio Bonne Nouvelle. Nous allons parler de l'emprisonnement criminel des ministères dont. Tout à fait, c'est de cela que nous allons parler. Avant que d'y aller un peu plus fort, nous allons donner la possibilité à nos auditeurs de confortablement s'asseoir. Pasteur Toubi, qu'entendez-vous par ministère dont? Merci pour cette question. Nous allons prendre le temps de l'examiner parce que, faute de connaissances, finalement, comme le dit la parole de Dieu, nous périssons. D'où viennent déjà les ministères dont? Ensuite, nous verrons ce que c'est que le ministère dont. D'où viennent les ministères dont? Pour comprendre quelle est l'origine des 5 ministères dont, c'est-à-dire apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, que nous rencontrons dans le Nouveau Testament, pour comprendre l'origine de ces 5 ministères dont, nous allons retourner à notre père Abraham, qui est le père de la foi, parce que les 5 ministères dont trouvent leur origine en Abraham. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Dans Genèse, au chapitre 12, verset 3, Dieu fait une promesse à Abraham en disant « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Donc par cette promesse irrévocable et éternelle de Genèse 12, 3, Dieu donne la terre entière en héritage à Abraham. Nous partons de là. Voilà l'héritage d'Abraham, la terre tout entière. Mais vous vous rendez compte que si je vous tends ce micro, vous devez le prendre. Lorsqu'on vous fait une promesse, vous devez prendre possession de votre promesse. Lorsqu'on vous donne quelque chose, lorsque le Dieu Très-Haut vous donne quelque chose, vous devez en prendre possession. Donc après la phase de la promesse, l'on passe à la phase de la prise de possession. Nous sommes toujours là dans l'origine des ministères dont. Bon, il va donc falloir que Abraham et sa descendance prennent possession de la terre tout entière. Et que va demander Dieu? Dieu va demander à Abraham de travailler comme un prototype, si vous voulez. C'est-à-dire, Abraham ne va pas être chargé par Dieu de prendre possession de toute la terre, bien que Dieu lui ait donné en héritage la terre tout entière. Dieu va demander à Abraham de prendre possession d'une portion de la terre. Donc Dieu va demander à Abraham de fonctionner un peu comme un prototype. Nous allons prendre quelques exemples, juste deux, dans le monde naturel pour comprendre ceci. Vous savez, si vous voulez construire un immeuble un peu comme le World Trade Center, avec, mettons, 100 étages par exemple, un architecte sérieux va d'abord vous bâtir une toute petite maquette. Une fois que l'architecte vous a remis cette maquette, vous qui n'êtes pas architecte, vous qui n'êtes pas du métier, vous regardez la maquette donc que produit l'architecte qui représente le très grand immeuble de 100 étages que vous avez commandé. Et lorsque vous, client, en regardant cette maquette, vous êtes satisfait, vous donnez le OK à l'architecte parce que l'architecte ayant été fidèle dans la petite maquette, vous avez bon espoir qu'il sera fidèle dans le grand immeuble. C'est le principe spirituel de Dieu. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est également dans les grandes. Donc c'est ça le principe du prototype. Je prends un deuxième exemple dans le monde physique. Jésus nous parlait du banquier,